Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 2, Gaumet du Pré 1861. Question 19. De la bonté et de la malice des actes intérieurs de la volonté. Bonté de la volonté, elle consiste surtout dans sa conformité à la volonté divine. 1. La bonté de la volonté dépend-elle des objets voulus ? La bonté et la malice de notre volonté proviennent des objets que nous voulons. En effet, le bien et le mal donnent à nos actes une espèce différente, et nous avons vu que ce qui spécifie les actes moraux, ce sont précisément les objets. Il n'y a pas d'exception pour la volonté, la bonté ou la malice de ses actes provient des choses qu'elle veut. Note. Veut-elle un bien véritable ? Elle est bonne. Veut-elle un bien apparent et sans réalité, elle peut être mauvaise. Toutes les fois que la raison, après avoir jugé et approuvé un bien, le présente à notre volonté, ce bien, qui est entré par là même dans l'ordre moral, communique à cette faculté sa bonté spécifique. Fin de la note. 2. La bonté de la volonté ne dépend-elle que des objets voulus ? La bonté de la volonté dépend seulement des objets qu'elle veut. Nous avons dit, en effet, que les circonstances, comme telles, ne spécifient pas les actes. C'est pourquoi, la bonté de la volonté ne dépend que de l'objet tel qu'il est apprécié par la raison, et non des circonstances qui sont, par rapport aux actes, de simples accidents. Note. La bonté qui vient de l'objet, dans l'acte intérieur de la volonté, n'est pas autre que celle qui vient de la fin, car nous avons dit ailleurs que la fin est l'objet même de la volonté. Si vous supposez que la volonté veut le bien, il n'y a pas de circonstance qui puisse la rendre mauvaise, car il faut considérer que vouloir faire une chose que l'on ne doit pas faire, ce n'est pas vouloir le bien. Fin de la note. 3. La bonté de la volonté dépend-elle de la raison ? La volonté, dit saint Hilaire, s'attache à ses résolutions avec une opiniâtreté immodérée, dès qu'elle n'est pas soumise à la raison. La bonté de la volonté consistant précisément à n'être pas immodérée, notre volonté, pour être bonne, doit évidemment être soumise à la raison. Sa bonté en dépend par là même qu'elle dépend de l'objet voulu, car c'est la raison elle-même qui lui présente cet objet, après l'avoir jugé et approuvé. 4. La bonté de la volonté dépend-elle de la loi éternelle ? La bonté de la volonté dépend de la loi divine, puisque, selon la définition de saint Augustin, le péché est une parole, une action, ou un désir contraire à la loi éternelle. Dans un enchaînement de causes coordonnées entre elles, comme la seconde n'agit qu'en vertu de la première, l'effet dépend encore plus de la première que de la seconde. Or, si la raison humaine est la règle et la mesure des actes humains, elle tient cette propriété de la loi éternelle, qui est la raison divine. On le voit clairement dans ces paroles du psalmiste, 4, plusieurs disent, qui nous a fait voir ses biens, Seigneur, la lumière de votre visage n'est-elle pas empreinte sur nous ? Paroles qui doivent nous faire comprendre que notre raison ne nous montre le bien et ne règle notre volonté que tant que sa lumière émane de la lumière divine. Donc, la bonté de la volonté dépend de la loi éternelle plus que de la raison. Note. Là où la raison humaine fait défaut, on doit recourir à la raison divine. La loi éternelle nous est connue de deux manières. Par la raison naturelle, qui dérive d'elle comme son image, et par la révélation, qui vient s'ajouter à la raison naturelle. Fin de la note. 5. Lorsque la raison se trompe, la volonté qui ne la suit pas est-elle mauvaise ? La volonté qui s'écarte de la raison erronée est mauvaise, car tout ce qui ne vient pas de la foi, dit saint Paul, est péché. Romains 14, 23. La foi, dans la pensée de l'apôtre, signifie la conscience. La volonté, effectivement, ayant pour objet ce que la raison lui propose, sa bonté dépend moins des objets pris en eux-mêmes que des objets appréciés par la raison, aussi les actions bonnes en elles-mêmes peuvent devenir mauvaises pour elle, si la raison les juge telles. L'homme ne doit jamais se mettre en opposition avec sa raison, il est obligé de la suivre. Note. La foi en Jésus, pour citer un exemple, est bonne et nécessaire au salut. Eh bien, cependant, si, par impossible, la raison vont la présenter comme mauvaise, la volonté serait coupable en l'embrassant. De même, lorsque, par erreur, la raison croit voir un ordre de Dieu, le mépriser, c'est mépriser Dieu lui-même. Fin de la note. 6. Lorsque la raison se trompe, la volonté qui la suit est-elle toujours bonne? La fausse conscience n'excuse pas toujours. La volonté de ceux qui faisaient mourir les apôtres était conforme à leur conscience erronée, à en juger par ces paroles de saint Jean. 16, 2. Le temps va venir où quiconque vous fera mourir, croira faire un sacrifice agréable à Dieu, et, malgré cela, ces hommes étaient coupables. Faut-il d'autres preuves pour démontrer que la vérité qui s'accorde avec la raison erronée peut être mauvaise? N'avons-nous pas vu précédemment que si l'ignorance est volontaire de quelque manière, soit directement, soit indirectement, elle ne cause pas l'involontaire? Lors donc que la conscience se trompe volontairement, soit directement, parce qu'elle veut se tromper, soit indirectement, parce qu'elle ne veut pas apprendre ce qu'elle est obligée de savoir. Ces écarts n'excusent pas la volonté qui suit ses prescriptions. L'homme, alors, doit sortir au plus tôt de son ignorance vincible et volontaire. L'ignorance absolument involontaire est la seule qui excuse les erreurs de la raison et les actes qu'elles amènent dans la volonté. 7. La bonté de la volonté, relativement aux moyens, dépend-elle de la fin qu'on a en vue? Lorsque l'intention constitue seule la bonté d'un acte par le rapport qu'elle établit entre lui et une fin légitime, elle rend la volonté bonne. Ainsi jeûner en l'honneur de Dieu est un acte qui tire sa bonté de la fin qu'on se propose. Note. Si la fin est mauvaise, l'acte n'est jamais bon, et une fin, si bonne qu'elle soit, ne justifie pas un acte mauvais en soi. La volonté, pour être absolument bonne, doit vouloir un bien en vue d'un autre bien. Fin de la note. 8. La bonté des actes de la volonté suit-elle toujours la mesure de bonté qui est dans l'intention? Puisque l'intention, comme on vient de le voir, peut être bonne et l'acte de la volonté mauvais, la bonté de l'intention peut, par la même raison, être plus grande que celle des actes de la volonté. Pour ce qui est de l'acte extérieur, il est patent qu'un objet n'est pas toujours en proportion avec la fin à laquelle on le rapporte. Avec 10 francs, on ne s'acquitte pas d'une dette de 100 francs que l'on a l'intention de payer. Il peut, en outre, survenir dans l'acte extérieur des obstacles insurmontables. Si j'ai l'intention d'aller à Rome, il n'est pas sûr que des empêchements ne m'arrêteront pas. Dans l'acte intérieur lui-même, la volonté peut se porter vers un moyen qui n'est pas en proportion avec la fin que l'on veut obtenir, et, sous ce rapport, son acte n'est pas aussi bon que l'intention. L'intention, suivant ses degrés, influe, toutefois, sur l'acte intérieur et extérieur de la volonté, et nous gagnons toujours quelque chose à nous proposer un grand bien. Dieu regarde sur toutes nos bonnes intentions, qui ressemblent à un trésor dans notre cœur. Note. Pour ce qui est des péchés, les fautes sont toujours en proportion de l'intention. Cette différence provient de ce que l'intention suffit à produire la malice de la volonté, tandis qu'elle n'en constitue pas à elle seule la bonté. Fin de la note. 9. La bonté de la volonté dépend-elle de sa conformité avec la volonté divine? Quelqu'un en pourrait-il douter, quand le Sauveur a dit, « Mon Père, qu'il me soit fait comme vous voulez, et non comme je veux. » Matthieu 26, 39. La volonté humaine a pour objet le souverain bien, qui est Dieu, et, pour être bonne, il faut qu'elle lui soit rapportée. Or, le souverain bien est l'objet propre de la volonté divine elle-même, comme ce qui est le premier dans un genre est la règle de ce qui vient ensuite. La volonté divine est la règle de toutes les volontés, et, conséquemment, la nôtre doit lui être conforme. 10. Notre volonté est-elle obligée de se conformer à celle de Dieu sur tout objet? Un objet pouvant être bon sous un rapport et mauvais sous un autre, deux volontés qui le cherchent ou le repoussent à sept différents points de vue, peuvent être également bonnes. Le juge qui, selon l'ordre de la justice, veut la mort d'un malfaiteur, est le fils de ce malfaiteur qui, par pitié filiale, cherche à le soustraire au supplice, ont l'un et l'autre une bonne volonté. Pareillement, lorsque Dieu veut une chose au point de vue de sa bonté, l'homme qui ne la veut pas à un point de vue particulier, n'a pas toujours une volonté mauvaise en elle-même. Mais, comme la volonté qui se porte vers des biens particuliers n'est bonne qu'autant qu'elle les rapporte au bien général, la nôtre est tenue de se conformer à la volonté divine, non pas matériellement, en s'abdiquant elle-même, mais formellement, en se soumettant au décret divin et à l'ordre de la nature. La volonté humaine, en suivant ainsi l'inclination naturelle que Dieu lui a donnée, n'en est pas moins conforme à la volonté divine, puisque, d'un côté, elle veut ce que Dieu la porte lui-même à vouloir, et que, de l'autre, elle se résigne formellement à sa volonté suprême. Note. La charité va plus loin dans la conformité formelle. Elle porte à vouloir les choses comme Dieu lui-même les veut. Fin de la note. Markendanarchive.org 2020. D'après Books Google FR. Licence Creative Commons pas d'usage commercial. Partage à l'identique.